fascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alors, un peu plus de contexte. Vous connaissez très bien Pegida Québec. On a manifesté contre Pegida. Pegida n'a pas réussi à manifester en mars. On a fait toute une manifestation à Saint-Michel. Alors, Pegida est supposé de faire une manifestation aujourd'hui à 4 heures. Et ils n'ont pas leur lieu. Mais quand vous écrivez, quand vous dites que oui, je vais assister, ils vont donner le lieu privé. Et c'est où? C'est ici. Ils disent qu'on va se rencontrer ici, puis on va sortir d'ici. Ça, c'est pour la raison qu'on fait la contre-manifestation. Mais les organisatrices et les organisateurs de cette manifestation, ils ont refusé clairement, manifestement, de prendre position contre le racisme et les homophobies. Ils ont même traité Pegida comme c'est un groupe, comme n'importe quel autre groupe, comme Frappru ou un autre groupe. Alors, il y a une certaine tolérance des idées facho par les organisatrices et organisateurs de cette manifestation. C'est un contexte important. No hatred, no fear, immigrants are welcome here. No hatred, no fear, immigrants are welcome here. No hatred, no fear, immigrants are welcome here. Je veux juste donner le contexte. Il y a deux personnes dans la foule là-bas. Un barbu puis un monsieur avec lunettes de soleil, mais il y a plusieurs barbus, personnes avec lunettes de soleil. Mais ils ont fait une vidéo où ils ont encouragé le monde de venir à la marche de silence. Mais vous regardez sur la vidéo sur YouTube, c'est écrit « Non aux migrants » sur cette vidéo. Et cette vidéo était permise sur l'événement Facebook. Plusieurs personnes ici sont d'accord avec l'immigration, avec les migrants. Alors vous êtes ici pour infiltrer comme des racistes. Et le barbu, le monsieur barbu a aussi dit qu'il est prêt à faire la violence contre les musulmans. Alors, pour ceux et celles qui sont ici dans la bonne foi, je suggère d'expulser ces deux personnes. Il a aussi fait une vidéo, j'ai vu vos vidéos, messieurs, vous faites une vidéo sur YouTube. Et je suis quelqu'un immigrant de Montréal, qui vient des immigrants ici. Vous vous dites, mais vous avez fait des vidéos. Regardez ces vidéos, il a fait une vidéo, il a dit « non immigration ». C'est complètement inacceptable ici à Montréal. Complètement inacceptable ici à Montréal. Pourquoi vous laissez? C'est qui les... Vive le Québec, vive le Québec! Et vous faites le signe de paix. Tu sais ça veut dire quoi en arabe? Salam alaikum! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Nous sommes joueurs! Nous sommes ouverts à l'immigration dans la mesure du respect de notre patrimoine culturel. Et c'est ce patrimoine culturel de tous les Québécois qui se retrouve à être menacé par le projet de loi 59 qui vise à censurer la liberté d'expression. La même liberté d'expression que vous utilisez en ce moment pour faire valoir vos opinions. Tout le monde respecte l'opinion d'autrui sans lancer des insultes ou pousser les gens. C'est tout ce que je demande. Respectons-nous, cessons de nous traiter de tous les noms et cessons de nous pousser. Chacun a droit à son opinion. Raciste! Liberté d'expression! Liberté d'expression! Liberté d'expression! Liberté d'expression! Liberté! Alerte! nous sommes avec trois membres du mouvement des étudiants révolutionnaires. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous, déjà vous pouvez vous présenter votre mouvement, s'il vous plaît? On est une organisation de jeunes communistes et anticapitalistes organisée dans la région de Montréal. On forme une section d'un mouvement étudiant révolutionnaire pan-canadien. On organise beaucoup d'événements, des conférences, des ateliers, des services de gardiennage, des services de garde. Des bouffes populaires, des activités sportives. Est-ce que vous pouvez me parler de votre action de samedi dernier? Qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier? Oui, en fait, on a pris connaissance que Pegida Québec, qui est dans le fond, Pegida signifie patriote européen contre l'islam occident. En fait, ça a débuté en octobre 2014 en Allemagne, à Dresde. À l'hiver 2015, il y a eu une branche québécoise qui s'est manifestée et qui a tenté de tenir une première manifestation dans le petit Maghreb au mois de mars 2015. Et à nouveau, samedi dernier, Pegida avait annoncé avoir l'intention de tenir un rassemblement contre, comme il le nomme, l'austérité politique et religieuse et le projet de loi 59 qu'ils associent à la charia. Donc, dans le descriptif de l'événement, ils annonçaient que l'accueil des immigrants musulmans équivalait à dénaturer la culture occidentale et que l'accueil des réfugiés signifiait, dans le fond, d'accueillir des combattants de l'État islamique ou des terroristes islamistes. Donc, en réponse à cet appel qu'on qualifie de raciste, xénophobe et fasciste, on a tenu à faire un rassemblement antifasciste samedi pour les empêcher de prendre la rue et de tenir ces discours-là et de les propager. Et du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est la loi 59 auquel il s'oppose? Oui, c'est un projet de loi qui a été passé par le gouvernement libéral. Mais en fait, il n'a pas été passé puisque à l'heure où on se parle, ça a été annulé par la ministre responsable du dossier. C'était un projet assez vague. Ça a été difficile de comprendre exactement qu'est-ce que c'était. En gros, c'est un projet de loi qui vise à restreindre et punir ce qu'ils appellent les discours haineux qui pourraient cibler certains groupes de la population. Mais c'est très vague et ça peut toucher beaucoup de types de discours. Donc, c'est là le danger avec ce projet de loi-là. Et il y avait une clause dans le projet de loi qui visait à légiférer sur les mariages forcés. Ça, c'est dans le contexte d'une rhétorique de la peur qui fait de chaque musulman un abuseur et un profiteur de la démocratie occidentale qui se laisserait corrompre par des valeurs qui lui seraient étrangères, que le projet de loi 59 a été proposé. Dans les faits, la loi 59 aurait été rien d'autre qu'un ustensile parmi tant d'autres armes entre les mains de la minorité pour diviser puis réprimer la majorité. Ce qui a provoqué un tollé autour, c'est surtout que la loi était rédigée de façon générale. Puis, puisqu'elle était rédigée de façon générale, ceux qui tiennent des discours haineux ont eu peur de, sous couvert d'une critique de la religion, ont eu peur de se faire censurer. Donc nous, la compréhension qu'on avait de ce projet de loi-là, c'était que les libéraux ont passé ça sous la pression des partis d'opposition, comme le PQ, qui faisaient pression pour que le gouvernement agisse sur la prétendue montée de l'intégrisme, etc. Donc c'est dans la foulée des événements qui ont lieu au Québec là, depuis plusieurs années, notamment les accommodements raisonnables, ensuite la charte des valeurs du Parti québécois, qui on se souvient, avait fait augmenter sensiblement la xénophobie dans les masses québécoises. D'ailleurs, c'est une des choses qui ont fait en sorte que le discours xénophobe et islamophobe se trouve de plus en plus légitimé et trouve de plus en plus sa place dans le paysage politique. Et nous, on considère qu'il y a un lien à faire entre ça et la montée des groupes comme Pegida, Québec, ou d'autres groupes d'extrême droite comme les Insoumis, la Fédération des Québécois de souche, ce genre d'organisation-là, fasciste et raciste. Et du coup, en parlant des Insoumis, en parlant de ces groupes-là, ils étaient présents samedi à la manifestation? En fait, c'est important de préciser que au-delà de la manifestation, quelques heures auparavant, il y avait une marche du silence contre le projet de loi 59 qui s'organisait. Et on a appris entre les branches que Pegida avait l'intention d'être présent à cette marche. Et puis après les événements, l'organisatrice de l'événement a précisé que, dans le fond, les quelques membres de Pegida qui se sont présentés lors de la marche, elle précise qu'ils ne sont pas venus en tant que membres de Pegida, mais qu'ils auraient respecté les revendications de vigilance laïque qui organisait la marche. Et ils auraient également respecté leur organisation et pour cela, elle les a accueillis dans ses rangs sans les dénoncer ni les condamner. Effectivement, on a remarqué que il y avait des membres des Insoumis qui brandissaient des drapeaux et qui portaient des chandails à l'effigie de ce regroupement-là qui était présent lors du rassemblement de la marche du silence. Et du coup, les Insoumis, c'est quoi comme groupe? Les Insoumis, c'est un mouvement indépendantiste qui est opposé au multiculturalisme qui, pour eux, menace la culture puis l'identité québécoise. C'est un groupe qui se déclare dans lignée de Régis Chartrand, le fondateur de l'Ordre des Chevaliers. Les Chevaliers de l'Indépendance. Régis Chartrand, c'est un boxeur québécois qui était aussi polémiste. C'était quelqu'un qui aimait rappeler que Dieu était bon et fort parce que c'était un homme. C'est, dans les faits, Pegida ou les Insoumis, il y a très, très peu de différence dans le discours puis dans la rhétorique. Ils sont d'accord sur énormément de points. Oui, ils tiennent à peu près le même discours que Pegida sur l'islamisation de la société, la lutte au radicalisme, etc. Puis, j'aimerais juste rappeler que les Insoumis se sont fait connaître dans les derniers mois. Je ne me souviens plus exactement à quel moment. Quand un commerce, une épicerie halal de Sherbrooke avait été vandalisée par un homme qui avait mis des trous de balles de carabine dans la vitrine du commerce. Il y avait eu des messages anti-islam, des dessins de croix, etc. Cet homme-là a été appréhendé par la police. Il y a eu un procès. Il a plaidé coupable. Et on a appris que c'était un membre des Insoumis qui, en tant que groupe, ont d'ailleurs apporté leur appui à cet homme et ont même organisé une manifestation en appui à cette personne crapuleuse. Et du coup, est-ce que vous pouvez me raconter, vous qui étiez présent, la manifestation de samedi? Donc, si je me rappelle bien, ça a commencé dès 13h, en fait, au Jardin Gamelin. Et ça s'est poursuivi toute l'après-midi. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé samedi? Enfin, on a tenu un rassemblement dans le parc Émilie Gamelin pour faire face au rassemblement des gens qui étaient présents pour dénoncer le projet de loi 59, mais qui s'avérait être un noyau dur et donc xénophobe, possiblement. Et donc, on leur a fait face et lorsqu'ils ont tenté de prendre la rue pour marcher, on a mis un terme à leur manifestation en leur bloquant le passage. Aussi, on savait que Pegida prévoyait... Tout ça s'est passé à peu près entre 2h de l'après-midi et 3h. Mais on avait eu l'information que Pegida prévoyait aussi tenir une manifestation à 16h au métro Champ de Mars. Et avec plusieurs camarades, on est allé faire le guet à la sortie de ce métro-là pour voir s'ils allaient effectivement se pointer. et ils ne sont pas apparus. Donc, on considère que c'est une victoire. On a empêché ces fascistes de prendre la rue et de diffuser leur message haineux. Est-ce que vous, en tant que groupe donc, du coup, antifasciste, est-ce que vous avez l'impression que les groupes d'extrême droite sont de plus en plus présents à Montréal et au Québec en général? Comme je disais plus tôt, on a surtout l'impression que le discours xénophobe, islamophobe, est en train de prendre de l'ampleur au Québec, depuis, entre autres, comme je le disais précédemment, les événements entourant la Charte des valeurs, etc. C'est un processus qui ressemble un peu à ce qui se produit en Europe, en France, en Allemagne, là où notamment Pegida est apparu. Par contre, je crois qu'on est encore loin de la situation européenne. On n'assiste pas à la montée de groupes extrêmement organisés qui réussissent à faire élire des députés dans les parlements bourgeois, qui attaquent des gens en pleine rue, comme en Grèce, des immigrants et immigrantes qui sont battus ou voire tués par des militants du groupe Aube Dorée, parti néo-nazi. Donc ça, on n'est pas encore rendu là ici, mais c'est important d'être ferme et de pas laisser la situation se rendre jusque-là. Donc comme dernière question, moi j'ai envie de vous poser, quelles sont vos prochaines actions dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? En fait, le MER organise une bouffe populaire qui est une occasion de servir le peuple. On compte en tenir une le 10 octobre dans le parc Oscar Peterson du quartier Petite Bourgogne et une seconde le 17 octobre dans le parc Kent du quartier Côte-des-Neiges. Donc, c'est une occasion de rencontrer les gens d'un quartier, de discuter avec eux. Et le lendemain, le MER va participer à une manifestation contre les élections bourgeoises. Donc, elle est nommée off électorale et ça va se tenir le 18 octobre et elle va partir également du parc Kent dans le quartier Côte-des-Neiges à 14 heures. C'est une manifestation organisée par le PCR, le Parti communiste révolutionnaire, dans le cadre de leur campagne de boycott des élections fédérales.